Bonjour Catherine Riwa. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Ce roman va vous surprendre. 2025, une mystérieuse épidémie décime 90% des hommes. Du Canada à la Chine, de l'Écosse aux Philippines, les femmes du monde entier sont forcées de s'élever et réagir. Comment reconstruire sa vie quand on perd mari, père, fils ? Comment créer un monde nouveau ? C'est ce qu'explore La fin des hommes, roman visionnaire écrit en 2018 par Christina Sweeney Baird. La fin des hommes, un roman émouvant, haletant et vibrant d'humanité. Aux éditions Gallmeister. Quel est le rôle d'un militaire en uniforme dans un roman d'amour ? L'uniforme, c'est le prototype du premier regard, cette fameuse première impression qui détermine tout de la suite d'une histoire d'amour ou d'amitié. Si en plus l'officier a un beau visage, commençons donc avec George Wickham, bel homme qui s'apprête à revêtir l'uniforme et qui rencontre les héroïnes du roman de Jane Austen, les filles Bennett. 1, 2, 3, 4, 5 filles qui cherchent à se marier quand lui n'aspire qu'à une chose, trouver beaucoup d'argent. There! I'm sure that is new in since Friday. Isn't it nice? Do you think I'd look well in it? Not as well as me. Come on. Oh, no, I shan't. Look, there's Denny. Où es-tu? Là, regarde. Qui est avec lui? Je ne sais pas. Il est très séduisant. Il pourrait l'être s'il portait un uniforme. Un homme n'est séduisant que s'il porte un uniforme. Il regarde bien nous. Lydie, ne trouves-tu pas qu'il est joli garçon? Danny! Lydia! Quelle chance nous avons. Nous pensions que vous étiez toujours à Londres. Il n'y avait rien d'assez amusant pour nous y retenir. Permettez-moi de vous présenter mon ami. George Wickham, Miss Bennett, Miss Elizabeth Bennett, Miss Mary Bennett, Miss Catherine Bennett et... Miss Lydia Bennett. Resterez-vous longtemps à Meryton, Monsieur Wickham ? J'aurai le plaisir d'y passer l'hiver. Je vais servir dans le régiment du colonel Forster. Tu vois, Lydia, il portera bientôt l'uniforme, lui. Et il lui donnera beaucoup de distinctions et d'allure. Et il nous éclipsera tous, n'est-ce pas, Wickham ? Denny, vous me présentez sous un faux jour à ces jeunes filles. Viendrez-vous avec nous chez notre tante Philippe ce soir, Monsieur Wickham ? Oh, oui, Denny a promis de venir. Nous n'y ferons que dîner et jouer aux cartes, mais ce sera amusant. Je crains fort de ne pas avoir été invité par Monsieur et Madame Phillips. Oh, personne ne se soucie d'invitation formelle de nos jours. Si Monsieur Phillips m'inclut dans son invitation, je serai ravi de venir. She take my money, well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town that digs on me. I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm bonjour Catherine Riwa. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Gold Digger, chante Kanye West et Jamie Foxx à la suite de cet extrait tiré de la mini-série de Simon Langton et Andrew Davies qui date de 1995, diffusée sur la BBC One, Orgueil et Préjugé, Pride and Prejudice. Pourquoi Gold Digger ? Eh bien parce que dans ce roman de Jane Austen, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'honneur, c'est l'argent avant tout. C'est un peu plus complexe que ça parce que, en fait, l'amour ne peut se vivre que s'il y a suffisamment d'argent. Et donc l'argent est un préalable gênant, mais nécessaire. Jane Austen elle-même, elle n'avait pas de dot. Vous voyez, une fille sans dot à l'époque, c'est terrible. Elle ne peut pas vivre l'amour, puisque l'amour ne peut pas se vivre en dehors du mariage. C'est impossible. Et sans dot, on ne se marie pas, sauf coup de chance extraordinaire. Et ça, c'est ce qui va arriver à notre héroïne, Elisabeth. Alors, Elisabeth a de très grandes qualités, qui, au début, C'est la deuxième des filles Bennett. C'est la deuxième fille Bennett. L'aînée, Jane, est bien sous tout rapport. Elle est trop bien élevée. Elle cache ses sentiments et ses émotions parce que une jeune fille bien élevée ne doit pas les montrer. Et ça, ça va lui poser des problèmes, justement, parce qu'on va croire qu'elle est froide, ouais, alors qu'elle ne l'est pas. La deuxième, Elizabeth, est une rebelle. Elle est plus intelligente que ses sœurs. C'est pourquoi elle est la préférée du père, qui est un clergyman toujours fourré dans les livres. Mais à l'époque, être un peu trop intelligente pour une femme, c'est pas forcément un atout, puisque l'homme doit dominer, et pour qu'il domine, il ne faut pas que la femme se mette trop en avant. Donc Elizabeth est un peu handicapée par sa parole facile, son côté brillant, et au début, les héroïnes de Jane Austen sont dans l'ombre au début. Alors ça correspond à un basculement lorsque le roman du 18e va vers le 19e siècle. Mm-hmm. Au début du roman anglais, qui est souvent écrit par des femmes, l'héroïne est une splendeur, elle a toutes les qualités, etc. Et il lui arrive des malheurs. Bon, mais ensuite, ça va basculer dans autre chose, parce que les gens en ont un peu assez de ces héroïnes trop parfaites, et l'héroïne, au contraire, doit avoir des défauts. L'exemple même, c'est Jane Eyre, dont il est dit qu'elle est une espèce de petite souris, un peu comme ça, un peu grise, et elle va se révéler, parce que justement, l'intérêt du fait que l'héroïne n'est pas tout pour elle au début, c'est que elle peut se révéler pendant l'intrigue. Jane Eyre, c'est les sœurs Brontë. Jane Eyre, c'est les sœurs Brontë, mais dans l'œuvre de Jane Austen, on a ensuite Mansfield Park, dans lequel il y a ce type d'héroïne très effacée, mm-hmm, qui ensuite va se révéler parce qu'elle va sauver le héros qui est dans les ennuis. Mm-hmm. Là, ce n'est pas encore le cas dans Pride and Prejudice, puisque le héros... Alors, tout à l'heure, vous avez présenté Wickham. Wickham, ouais, c'est le mauvais séducteur. C'est ça. Il y a des bons séducteurs et des mauvais séducteurs. Voilà. Et souvent, justement, leur apparence est trompeuse. C'est-à-dire que Wickham va apparaître comme, bien sous tout rapport, une victime de Darcy, qui est le riche aristocrate, et Darcy, lui, apparaît comme une espèce de grognon désagréable et prétentieux, et en réalité, celui qui est bien, qui va donc aider l'héroïne, c'est Darcy, et Wickham, c'est le piège, il tend le piège, car Wickham ne veut qu'une seule chose, de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a ouvert l'émission avec ce personnage, parce que non seulement il veut que de l'argent, et comme il est beau garçon, il peut séduire facilement n'importe quelle fille, mais aussi il porte cet uniforme, et je parlais de la première impression, c'était le titre initial, je crois, d'Orgueil et Préjugés. Premières impressions. Au pluriel. Oui. Pourquoi a-t-elle changé le titre? Alors, pourquoi a-t-elle changé le titre? Parce qu'elle a écrit une première version de ce roman, elle avait 20-21 ans, et puis elle l'a montré à son père, Jane Austen, donc, qui l'aimait beaucoup, et le père a été très impressionné par le texte, et il l'a envoyé à un éditeur, et cet éditeur, qui s'appelle Cadell, est passé à la postérité pour n'avoir même pas lu le roman de Jane Austen. Bon, il avait vraiment pas de flair, direct poubelle, ça l'intéressait pas. Et Jane Austen étant quelqu'un d'hypersensible, elle a très mal vécu ce rejet, mm-hmm, et donc a mis ce qu'elle avait écrit, il y en avait un autre qui était déjà écrit, dans un tiroir, elle n'y a pas touché. Et elle l'a repris longtemps après, 15-16 ans plus tard, son père était mort et la famille avait, la mère, la sœur et elle avaient de gros problèmes d'argent, justement. Et donc, elle a ressorti ça en se disant, ben peut-être... Alors, elle avait à ce moment-là un frère qui était devenu banquier, toujours l'argent, mmh, et qui connaissait beaucoup de monde à Londres et qui lui a dit, je vais t'aider. Et comme ça, grâce au frère, elle a pu être publiée, parce que le frère, à ce moment-là, était banquier. Mais Raison et Sentiment étaient parus avant, n'est-ce pas? Alors, ça a paru avant, c'est le premier qui a paru, et c'est d'ailleurs le premier qu'elle avait écrit, n'est-ce pas? Et puis ensuite, est venu... alors, elle avait changé First Impressions en Pride and Prejudice. Le titre anglais est formidable, parce que vous avez l'allitération Pride and Prejudice. Ça marche très très bien. Donc, elle a retravaillé le texte original, et elle l'a retravaillé d'ailleurs en étant très inquiète, car l'époque avait déjà changé. On allait vers l'époque victorienne, et donc, le côté assez très libre et libertin du XVIIIe siècle aller vers le puritanisme. On est en 1813 quand il paraît, n'est-ce pas? Oui, mais... Elle l'a écrit donc bien longtemps avant. Elle l'a écrit bien longtemps avant. c'est le côté puritain de l'époque tel qu'elle a changé fait que Jane Austen a très peur de que le public n'accepte pas. Vous cherchez quelque chose dans votre sac? Je cherche quelque chose dans mon sac parce que je cherche à vérifier, si vous voulez tout savoir, la date de parution sur laquelle j'ai un léger doute. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse connaissance avec la famille Bennett pendant que vous cherchez cette référence. Voici donc le début du roman adapté dans la mini-série Orgueil et Préjugés. Écoutez donc ces cinq filles, Mr. Bennett, le papa et évidemment la maman. Vous allez faire connaissance avec tout le monde. Mr. Bennett, wonderful news! Monsieur Phil Park a enfin un locataire, oui. Ah oui? Oui, je suis sûre, je viens de l'apprendre à l'instant par Madame Long. Et ne voulez-vous pas savoir qui est ce locataire? Vous avez envie de me le dire et je n'ai aucune objection à l'entendre. Eh bien, le locataire du domaine est un jeune homme d'une immense fortune qui vient du nord de l'Angleterre. Un célibataire d'une grande fortune, mon cher. Il s'est, paraît-il, déplacé lundi en cabriolet pour voir les lieux. Il s'appelle Bingley. Il doit emménager avant le mois de septembre et on dit que ses revenus s'élèvent à 5000 livres de rente. Quelle aubaine pour nos filles! Comment cela? En quoi cela les concerne-t-il? Oh, Monsieur Bennett, comment pouvez-vous être aussi exaspérant? Vous savez bien que je pense à un mariage avec l'une d'entre elles. Parce qu'un célibataire qui possède une grosse fortune doit avoir du mal à trouver une femme. Oui, il en a plus que vous ne croyez. Et quelle meilleure épouse pourrait-il trouver que l'une de nos cinq filles? Lydia! Quelle bonne plaisanterie s'il me choisissait moi! Ainsi, telles sont ses intentions en s'installant ici. Il veut épouser une de vos filles. Ses intentions? Comment pouvez-vous dire une chose aussi ridicule? Mais il est vraisemblable que l'une d'entre elles lui plaise et qu'il en tombe amoureux. Par conséquent, vous devrez lui rendre visite dès qu'il aura emménagé. Lui rendre visite? Oh non, non, non, je ne vois aucune raison pour cela. Oh, Monsieur Penn! Allez-y vous-même avec les filles, ou encore épargnez-vous la peine de les accompagner. Ne pas accompagner les filles! Oui, comme vous êtes aussi jolie qu'elle, c'est sur vous que Monsieur Bingley pourrait faire porter son choix. Lydia? Alors, on va écouter les textes, bien sûr, ensuite, hein, Catherine Rivois, pour qu'on entende quand même la plume traduite, certes, mais quand même la plume de Jane Austen. Mais je crois que cette série a vos faveurs. Hein, vous êtes plutôt... Oui, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors, évidemment, bon, c'est celui qui joue Darcy, n'est-ce pas, qui va... Colin Firth. Colin Firth, qui va devenir une icône de la sexualité masculine lorsque ils ont la bonne idée, les gens qui fabriquent la série, ont la bonne idée comment traduire le fait qu'il est irrésistible. Et au moment où l'héroïne Elizabeth vient de visiter Pemberley, qui est le château de Darcy, alors c'est sa tante et son oncle qui l'ont emmené visiter, ça se fait à l'époque, c'est le début du tourisme, n'est-ce pas? Sans qu'elle sache que c'était le château de Darcy, et là, quand elle sait ça, elle est un peu inquiète, la gouvernante du château dit non, non, monsieur Darcy n'arrive que demain, et en fait, il arrive en avance, il fait très chaud, il descend de cheval, et il plonge dans la pièce d'eau, et il ressort de là, la chemise collée au corps, ils ont utilisé un truc qu'on a dans les films bollywoodiens, le truc du sari mouillé, mais là c'est le héros et là en un instant Colin Firth devient une icône. Voilà, et on le retrouvera d'ailleurs aussi dans le film de Bridget Jones où c'est le même acteur qui joue Mr. Darcy, hein. Sa carrière est lancée à partir de là, donc c'est évidemment pas dans le roman de Jane Austen qu'elle va pouvoir la raconter. Chemise mouillée n'est pas dans le roman. La chemise mouillée n'est pas dans le roman. C'est un équivalent qu'ils ont trouvé pour traduire le fait. En fait, dans le roman, qu'est-ce qui lui plaît? C'est le château. Elisabeth, quand elle voit le château, elle se voit tout à fait là-dedans. Et évidemment, dans la série, c'est un peu difficile de montrer ça. Donc, on montre son arrivée spectaculaire. Avec la chemise mouillée. Parce qu'il faut dire, alors là on a eu un aperçu de cette famille Bennett, mais que le personnage principal c'est sans doute Elizabeth, et que la rencontre avec Mr. Darcy se passe assez mal au début, parce que Mr. Darcy a sans doute beaucoup de qualités, mais là encore, premières impressions, ce qu'il renvoie au premier regard n'est pas du tout favorable. Non, parce que il est ressenti comme étant méprisant. Alors en fait, c'est un grand timide et là, il se trouve embarqué par son ami Bingley dans des soirées de la petite gentry provinciale et comme il est très beau, les femmes lui courent après et il a l'impression d'être poursuivi par un troupeau de dindes et ça ne lui plaît pas, donc il fait la tête. Et en fait, il repère très très vite Elisabeth, mais il met un certain temps avant de l'admettre, que celle-là n'est pas comme les autres. Parce qu'il est fier, orgueilleux ? Parce qu'il est orgueilleux et qu'elle est orgueilleuse. C'est-à-dire que contrairement à toutes les autres filles qui voient en lui l'aristocrate, riche, etc., à épouser, elle, comme elle est très orgueilleuse, elle est choquée par son mépris et elle va au contraire se montrer, enfin, elle va elle aussi se montrer méprisante à son égard. Donc, cet orgueil contre orgueil et préjugé contre préjugé. Parce que Jane Austen détestait l'aristocratie. Elle considérait que l'aristocratie était une classe de profiteurs sans intérêt et donc elle ne les aimait pas. Et donc, a priori, il est classé comme aristocrate et donc comme quelqu'un de pas très intéressant. Et donc, le déroulé du roman consiste à montrer de quelle manière les personnages vont dépasser leurs préjugés. Voilà, ils vont dépasser leur orgueil parce que l'amour est quelque chose qui rend humble. On est humble devant l'amour parce qu'on ne choisit pas l'amour, il vous tombe dessus. Et à partir de là... on est bien obligé de marcher avec. Et en plus, donc l'orgueil est abattu. On voit que quand Darcy va demander Elisabeth en mariage, il va se présenter comme une pauvre victime, n'est-ce pas, qui fait un sacrifice, puisque pourquoi épouserait-il une fille d'une famille? C'est la fille d'un petit pasteur de campagne. Donc elle n'est vraiment pas grand-chose. Et il croit que de lui dire à quel point c'est un sacrifice qu'il fait pour elle va être la preuve de son grand amour et que elle va être émerveillée. Et c'est mal elle, la connaître. Elle est furieuse. Voilà, oui. Et d'ailleurs, Jane Austen adore son personnage d'Elisabeth. Elle dit « Je dois avouer qu'elle me paraît être la plus délicieuse créature qui soit jamais apparue dans un volume imprimé et j'ignore comment je pourrais supporter ceux qui ne l'aiment même pas un peu. » Elle a raison. Elle a raison parce que Elisabeth est irrésistible encore aujourd'hui. Et on a, alors bon, les adaptations se succèdent, les adaptations au cinéma, à la télévision. Il y a même un film indien qui s'appelle Bride and Prejudice. Au lieu de Pride, c'est Bride. Donc, l'épousée. Et qui est une comédie très drôle. Donc, dans le monde entier, Elisabeth Bennet apparaît comme un être irrésistible. Si l'amour est affaire d'orgueil et de préjugés et que ceux-ci sont deux obstacles à dépasser pour pouvoir vivre pleinement cet amour, ça veut dire que tout est affaire de séduction. Dans le texte que vous allez entendre, on va découvrir ce fameux Mr. Bingley qu'on a entendu. C'est l'événement qui ouvre le roman. Mr. Bingley arrive dans cette petite ville. Toute la famille Bennet est sans dessus dessous. Il va venir accompagné donc de Mr. Darcy. Et dans le texte que vous allez entendre, vous verrez de quelle façon finalement l'un s'en sort mieux que l'autre, tout simplement parce qu'il est meilleur à la séduction. Y aurait-il un bon séducteur et un mauvais séducteur? C'est la question que pose le texte. Mr. Bing, allow me the pleasure of welcoming you to our little assembly here. Sir William, I'm very glad to see you. There's nothing that I love better than a country dance. Mr. Bingley était joli garçon et avait l'air d'un gentleman. Son visage était charmant et ses manières aisées et naturelles. Ses sœurs étaient de belles jeunes femmes, à l'allure incontestablement élégante. Son beau-frère, Mr. Hurst, n'avait d'un gentleman que l'apparence. Mais son ami, Mr. Darcy, attira bientôt l'attention de toute l'assemblée par sa haute taille, son beau visage, son port plein de noblesse. 5 minutes après son entrée, la rumeur circulait déjà qu'il avait 10 000 livres de rente. Les messieurs déclarèrent que c'était un homme bien fait. Les dames le trouvèrent beaucoup plus beau que Mr. Bingley, et il fit l'objet d'une vive admiration pendant la première moitié de la soirée. jusqu'à ce que ses manières finissent par déplaire et le rendre bien moins estimable. On découvrit en effet qu'il était orgueilleux, qu'il regardait tout le monde de haut et qu'il ne s'abaissait jamais à montrer du plaisir. Toute sa grande propriété du Derbyshire n'aurait pu lui éviter d'avoir une mine fort intimidante et désagréable et d'être indigne qu'on le comparât à son ami. Mr. Bingley eut bientôt fait la connaissance des principaux invités. Il était gai et ouvert, il participa à toutes les danses, fut fâché que le bal se terminât si tôt et proposa d'en donner lui-même un à Netherfield. D'aussi aimable qualité parle d'elle-même. Quel contraste entre lui et son ami. Mr. Darcy ne dansa qu'une fois avec Mrs. Hurst et une fois avec Miss Bingley, refusa d'être présenté à aucune autre dame et passa le reste de la soirée à se promener dans la salle en adressant parfois quelques mots aux membres de son petit groupe. L'opinion fut bientôt faite. C'était l'homme le plus orgueilleux, le plus désagréable qui fût, et tout le monde espérait qu'il ne reviendrait jamais. Les chemins de la philosophie, France Culture, Adèle Van Rett. Et on parle de Jane Austen cette semaine, 4 romans et beaucoup de mariages. Ce matin, en compagnie de l'écrivaine Catherine Riwa, qui l'envoie une biographie de Jane Austen intitulée Un cœur rebelle, aux éditions Écriture. Rebelle, c'est aussi le cas d'Elisabeth. C'est bizarre d'ailleurs, parce que dans ce roman, elle donne son prénom à la fille aînée Jane, alors oui. Que je crois qu'elle ressemble plus à Elisabeth. Oui, mais elle fait beaucoup ça. À l'époque, dans cette classe sociale, il y a assez peu de prénoms pour les filles. Ils sont très répandus. Dans la famille de Jane Austen, il y avait d'autres Jane, et donc ça ne la gêne pas du tout. Moi, ça me surprend un peu, mais qu'elle donne des prénoms à ses héroïnes, particulièrement le sien, de gens elles-mêmes ou de femmes très proches. C'est comme si ces prénoms étaient des espèces de génériques indicateurs d'une appartenance sociale. Alors, dans le texte qu'on a entendu, on a vraiment la présentation de Mr. Bingley et Mr. Darcy qui fonctionnent vraiment en opposition. Ils sont inséparables et en même temps une sorte de miroir déformant l'un de l'autre. Darcy a beaucoup d'influence sur Bingley parce que Darcy est un véritable aristocrate. Il n'a pas de titre, hein, mais il a tout le reste. Et Bingley, lui, c'est un nouveau riche. Il vient d'une famille de commerçants enrichis et donc il n'est pas très à l'aise. D'ailleurs, le château, il le loue. Il n'est pas propriétaire, n'est-ce pas, du château. Et donc Darcy est pour lui un modèle. Mmh. Et c'est Darcy. Alors, Bingley tombe amoureux de Jane, qui est la sœur aînée de l'héroïne Elisabeth, et Darcy va le détourner de cet amour en lui disant, mais enfin, tu vois bien que cette fille est froide, elle est uniquement après ton argent. Alors voilà, un autre préjugé. Donc on a parlé des préjugés qui séparent, malgré leur attirance réciproque, Darcy d'Elisabeth. Mais donc ce Mr. Bingley est très attiré par la fille aînée des Bennet, Jane, ce qui serait vraiment une merveilleuse chose pour cette famille. Ça voudrait dire qu'elle épouserait un très bon parti. Oui. Mais Jane, qui est très réservée, qui ne sait pas montrer ses sentiments, lui donne l'impression d'être indifférente et Darcy, pensant bien faire, va donc éloigner le couple. Voilà, il va faire ça et Elisabeth va lui en vouloir horriblement parce que Jane, qui est en fait extrêmement sensible et affectueuse, va terriblement souffrir de ce rejet. Il faut dire que ces 5 sœurs Bennet, au départ, elles ont un complexe social qui est le fait d'appartenir à une classe sociale qui est déjà en déshérence, ce qu'on appelle la gentry, qui est la classe moyenne de province où on est quelqu'un si au moins on a un peu de terre, et la terre ne vaut plus du tout ce qu'elle valait avant, car la révolution industrielle est en cours, mais dans le cas des Bennet, ils n'ont même pas ce peu de terre. Donc en fait, il ne possède absolument rien et il y a un sentiment comme ça de déclassement chez toutes ces filles qui explique en partie leur comportement, bien que leur comportement soit très différent de l'une à l'autre, puisque Jane Austen, à travers ses 5 sœurs, montre 5 instances différentes de la féminité. Mmh. À l'époque, comment une fille fait-elle pour s'en sortir si elle n'a pas d'argent ? puisque tout marche sur le fait d'avoir une dot. Et les filles, Bennett, n'ont pas de dot. Alors dans ce cas-là, elles sont condamnées à un célibat qui, à l'époque, est très dur à vivre pour une femme. Une femme qui ne se marie pas est condamnée à une espèce de, presque de la misère, n'est-ce pas? Puis elle encombre sa famille, elle est très mal vue socialement. Donc comment vont-elles s'en tirer? Et elles ont chacune à leur manière, leur façon de voir les choses et d'essayer de s'en sortir. Et donc Jane Austen montre à travers ses cinq sœurs Bennett comment une fille sans dot peut se tirer d'affaire éventuellement. Alors ça c'est assez amusant. Est-ce que ça marche pour les cinq filles? Alors, ça ne marche pas pour Mary qui est l'ennuyeuse du lot. Parce que si on voit que Jane est belle. C'est l'aînée. Donc c'est l'aînée. Elle est très belle. Elizabeth est jolie, mais Jane est belle. Mais Jane est un peu conventionnelle, très réservée. Jane est brillante, car elle est très intelligente. C'est ce qui fait son caractère de rébellion, parce qu'elle voit... Ça, c'est Elizabeth. Pardon, Elizabeth. Ouais. Parce que Elizabeth voit un peu trop clairement toute cette mécanique sociale qui n'est pas très jolie. Donc, ça fait d'elle une espèce de rebelle. Et puis, ensuite, alors, on a Mary qui est très ennuyeuse. Elle est ennuyeuse parce qu'elle croit que pour être une fille bien, il faut alors elle passe son temps à recopier des passages de ses livres préférés sur un cahier. Elle chante. Alors dans les soirées, elle va chanter, mais elle chante pas très bien. Ouais. Donc elle essaie d'exister en faisant ce qu'elle croit qu'une fille doit faire, c'est-à-dire pas de coquetterie, mais un petit côté bas bleu qui lui va très mal parce que elle n'est pas très maligne. Et y a une chose d'ailleurs dont je me suis posé la question, pourquoi n'attrape-t-elle pas au passage Mr. Collins? Exactement. Voilà. Bah, je me suis posé la même question d'ailleurs. Et voulez-vous nous présenter Mr. Collins? Alors, il vaut le détour. Mr. Collins, oui. Alors, c'est un personnage formidable parce que c'est là que Jane Austen se livre à son génie comique. Mr. Collins, c'est un cousin clergyman. Et en fait, c'est celui qui doit hériter de la cure et de la maison qui va avec. Parce que c'est comme ça, on ne devient pas clergyman, pasteur à l'époque en Angleterre, par vocation religieuse. On le devient parce que dans une bonne famille, relativement bonne famille, l'aîné va hériter de la terre, etc. Et puis ensuite, il y en a un qui va à l'armée, les autres, il n'y a pas d'argent pour eux. Donc il y en a un qui va à l'armée, et puis il y en a un qui peut devenir pasteur. Pour devenir pasteur, il faut... qu'un protecteur, c'est-à-dire un riche propriétaire terrien, par exemple, vous attribue une cure. Et avec la cure va une maison, généralement une maison de maître, et puis aussi une ferme, parce que les pasteurs exploitent une ferme, parce que sinon, c'est la dîme qui est payée par les paroissiens, et quand les paroissiens sont des paysans, il est très difficile de leur arracher un peu d'argent pour le pasteur. Donc le pasteur va exploiter la ferme attenante à la maison qui va avec la cure. Alors, en fait... La loi anglaise est à l'époque très désavantageuse pour les femmes. Elles héritent extrêmement peu. Et dans le cas d'une famille comme celle-là, c'était la même chose chez les Austen. Si le père meurt, tout d'un coup, la mère et les sœurs se trouvent pratiquement sans revenus. Oui, parce que tout va à un homme. Tout va à un homme. Donc, dans le cas de la famille... S'il n'y a pas de fils, c'est le cousin ou... Ouais. Alors, dans le cas de la famille Bennett, c'est le cousin Collins, qu'elles ne connaissent même pas, et qui tout d'un coup va débarquer. Et alors, le cousin Collins, elle se venge à ce moment-là, Jane Austen, je pense, de son frère aîné James, qui lui aussi est devenu clergyman et devenu pompeux avec le temps, et dont la famille espérait des merveilles parce que au début, quand il était à Oxford, il dirigeait une revue, et puis il écrivait un peu. Mais très vite, il écrit plus. Et il devient une espèce de personnage pompeux avec une femme désagréable. Et donc, je pense que, à travers Collins, Jane Austen fait comme une caricature du frère aîné. C'est une caricature parce que il est pompeux, il fait la morale à tout le monde. En fait, tout ce qu'il veut, c'est un arriviste. Il veut réussir. Comment réussir? Bon, de toute façon, il sait qu'il va hériter du cousin, mais En plus, il est protégé. Comment a-t-il eu la cure? Il a déjà une première cure, parce que on peut en avoir deux ou trois, c'est possible. Il a une première cure, et cette cure lui a été donnée par une aristocrate odieuse qui s'appelle Lady de Bourgh, qui est vraiment le... l'aristocratie dans tout ce que Jane Austen déteste, le mépris, le comment dire, la prétention, voilà. Et ce Collins, et il se, enfin, il lèche les bottes, hein, ou les, du moins les escarpins de Lady de Bourgh. Il est prêt à tout pour lui plaire parce que il dépend d'elle. Voilà. Voilà. Et donc, il est absolument, il est insupportable parce qu'il n'arrête pas de se vanter de ses relations. Et par-dessus le marché, il croit qu'il va, parce qu'il est quand même un peu gêné à l'idée de qu'il va mettre dehors un jour ou l'autre les sœurs Bennet. Alors il est un peu gêné quand même, et donc il décide qu'il va être plein de mansuétude et de bonté en épousant une. Ce qui donne lieu à une demande en mariage absolument inouïe. Il y a vraiment différentes façons d'exprimer son amour et de demander la main de quelqu'un. Je vous propose qu'on écoute le texte. Oui. Voici donc le cousin Collins qui, fraîchement débarqué chez les Bennet, décide d'épouser Elisabeth et qui ne doute pas un instant que celle-ci va accepter. Voici donc sa demande en mariage. Mes raisons pour me marier sont les suivantes. D'abord, il me semble bon qu'un ecclésiastique dans une situation aisée, comme je le suis moi-même, montre dans sa paroisse l'exemple matrimonial. Deuxièmement, je suis convaincue que cela contribuera grandement à mon bonheur. Troisièmement, et j'aurais peut-être dû le signaler auparavant, c'est le conseil et la recommandation spécifique de cette très noble dame que j'ai l'honneur d'appeler ma protectrice. Vous verrez que ses façons sont au-delà de ce que je peux décrire. Je pense qu'elle jugera acceptable votre esprit et votre vivacité, surtout lorsqu'ils seront tempérés par le silence et le respect que son rang provoque inévitablement. Voilà ce qui, de manière générale, me porte vers le mariage. Il me reste à énoncer pourquoi j'ai tourné mes vues vers Longbourn, plutôt que dans mon propre voisinage où, croyez-moi, vivent de nombreuses jeunes filles aimables. Mais le fait est que, devant hériter de cette propriété après la mort de votre très honoré père, qui a cependant peut-être encore bien des années à vivre, je n'ai pu trouver le repos qu'en décidant de choisir une épouse parmi ses filles, afin que la perte fût pour elle aussi réduite que possible, lorsque le triste événement arrivera, ce qui, je l'ai dit, peut ne se produire que dans plusieurs années. Telle était ma motivation, ma belle cousine. Et je me flatte de penser qu'elle ne me fera pas baisser dans votre estime. À présent, il ne me reste qu'à vous assurer, dans les termes les plus vigoureux, de la violence de mon affection. La fortune me laisse parfaitement indifférent, et je ne formulerai aucune exigence sur ce point auprès de votre père, puisque je sais fort bien qu'elle ne saurait être satisfaite. Vous n'aurez jamais droit qu'aux 1000 livres à 4% de rente, qui ne seront à vous qu'après le décès de votre mère. Là-dessus, j'observerai donc un silence immuable, et vous pouvez être certaine qu'aucun reproche intéressé ne franchira jamais mes lèvres quand nous serons mariés. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites, mais il m'est impossible d'accepter votre offre. Je ne vois pas là la moindre raison de me décourager, j'en suis certain. Je sais qu'il est d'usage parmi les jeunes filles de rejeter l'offre d'un homme qu'elles ont secrètement l'intention d'accepter quand il se déclare pour la première fois. Et de ce fait, j'ai bon espoir, ma chère cousine, de vous conduire à l'hôtel avant longtemps. Je ne peux que m'étonner de la persistance de votre espoir après ce que je viens de vous déclarer. Vous ne feriez pas mon bonheur et je suis convaincue d'être la dernière femme qui pourrait vous rendre heureux. Vous devriez considérer que malheureusement, compte tenu de votre dot, il n'est nullement certain que vous receviez une autre proposition de mariage. Et je ne puis prendre votre refus au sérieux. Je préfère l'attribuer à votre désir d'attiser mes sentiments en les maintenant en suspens, comme a coutume de le faire l'élégante gente féminine. Alors c'est là où le génie et l'ironie de Jane Austen apparaissent, Catherine Riwa, puisque finalement, si la plupart des personnages se trompent tout le temps du roman parce qu'ils prennent pour argent comptant ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Le seul qui, lui, décèle peut-être la possibilité d'une intention différente par rapport à ce qui est dit, c'est le cousin Collins qui dit « Mais non, mais vous refusez, mais en fait, vous voulez dire que vous acceptez ?» Eh bien, il se trompe complètement. C'est que la seule qui est honnête, c'est vraiment Elisabeth. Elle lui pense qu'elle ne peut pas refuser. Donc forcément qu'elle ne dit pas la vérité quand elle parle de quand elle avance son refus. Donc il se trompe. Oui, parce que Collins ne fonctionne qu'à coup de clichés. Et l'un des clichés de la féminité, c'est que quand une femme dit non, elle veut dire oui, et qu'il suffit que l'homme insiste un peu pour qu'elle change d'avis. Or, ce n'est pas du tout le cas chez Elisabeth, et il ne peut pas imaginer comme en plus lui est extrêmement intéressé, malgré ce qu'il raconte, il ne peut pas imaginer que Elisabeth, elle, n'ait pas pour première visée l'argent. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que une fois que Collins aura compris que vraiment elle ne veut pas de lui, il sera extrêmement vexé. Et à ce moment-là, la meilleure amie d'Elisabeth, Miss Lucas, qui elle aussi est sans dot, va se précipiter sur Collins et l'attraper au vol, sans aucun amour pour lui, évidemment. Elisabeth est horrifiée par le fait que son amie se conduise comme ça, et elle ne comprend pas. Son amie va finir par lui expliquer qu'elle ne veut pas être à charge de sa famille, et que là, au moins, elle aura un toit sur la tête, que Collins n'est sans doute pas un mauvais homme, malgré ses défauts, et qu'elle aura une position sociale. Et donc, elle accepte ce mariage sans amour, ce qui, pour Elisabeth, est absolument impensable. Donc, on a deux visions très différentes. Elisabeth est une héroïne moderne. Elle veut qu'il y ait de l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître dans la société, qu'une fille ait le droit de penser que ce sont les sentiments qui passent d'abord. Parce que jusque-là, il n'est pas question de ça. Ce sont des mariages arrangés et la fille doit accepter le prétendant qu'on lui propose parce que c'est dans l'intérêt de sa famille. Et Elisabeth ne va pas marcher là-dedans. Elle sera soutenue par son père, Monsieur Bennett. Alors, la mère d'Elisabeth n'est pas très intelligente. Madame Bennett n'est pas très maligne. Monsieur Bennett regrette un peu de l'avoir épousée. Elle était très jolie, mais ensuite il a découvert qu'elle n'était pas intelligente. Et donc, il souffre un peu dans ce mariage. Et Madame Bennett, c'est la première page du roman. Bingley arrive. Il va épouser une de mes filles. Il y a une perspective de mariage. Elle ne peut pas imaginer autre chose. Et donc, le dit elle-même quand on lui fait ce reproche, quand Elisabeth lui fait ce reproche, elle dit, mais attends d'avoir 5 filles et tu verras si t'arrives à penser à autre chose qu'au mariage de ses filles. Mais oui, évidemment. Donc c'est, si vous voulez, on comprend le fonctionnement de cette femme, qui n'est pas une mauvaise femme, mais elle ne comprend pas, sa fille Elisabeth. Et Elisabeth appartient à la modernité. Et pas Mrs. Bennett, qui est dans la droite ligne du XVIIIe siècle, où bon, les filles ne font pas d'histoire. Donc, comment sa fille, alors elle lui dit, mais si tu n'épouses pas Monsieur Collins, je ne te parlerai plus, etc. Et c'est là que Monsieur Bennett convoque Elisabeth dans son bureau et lui dit, oui, ta mère t'a dit que si tu n'épousais pas cet imbécile, elle ne te parlerait plus. Moi, je vais te dire une chose, si tu l'épouses, c'est moi qui ne te parlerai plus. C'est un personnage super, le personnage du père. Oui, il est merveilleux parce que il va soutenir Elisabeth dans sa rébellion, en quelque sorte. Il faut qu'on avance dans l'histoire et surtout qu'on donne à entendre l'échange. On a entendu une déclaration, non pas d'amour, mais une demande en mariage, donc du cousin Collins à Elisabeth, demande suivie d'un refus. Écoutez maintenant le courage que Darcy trouve enfin de faire sa déclaration, de déclarer sa flamme à Elisabeth et la maladresse avec laquelle il fait cette déclaration et donc la réaction, disons pour le moins agacée, de Lizzie Elisabeth. Forgive me, I hope you're feeling better. I am, thank you. Will you not sit down? In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. Permettez-moi de vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. En me déclarant ainsi, j'ai pleinement conscience de parler à l'encontre du jugement de ma famille, de mes amis et, dois-je le dire, de mon propre jugement. À peine vous avais-je rencontré que j'éprouvais pour vous une admiration et une inclination passionnée qui, en dépit de mes efforts, ont eu raison de toute objection rationnelle. Je vous supplie donc, avec ferveur, de mettre fin à mes souffrances en consentant à devenir ma femme. En de telles circonstances, je pense qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance et d'éprouver de la gratitude. Mais je ne le puis. Je n'ai jamais désiré votre affection et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Mes fautes, à vous entendre, sont accablantes. Mais peut-être auriez-vous pu fermer les yeux si votre orgueil n'avait été froissé par la confession des scrupules qui m'ont longtemps empêché d'arrêter ma décision. Aurais-je dissimulé mes luttes et vous aurais-je flatté? Mais la dissimulation m'a toujours fait horreur. Quant à mes sentiments à votre égard, je n'en rougis pas. Ils étaient naturels et justes. Vous attendiez-vous à ce que je me réjouisse de l'infériorité de votre entourage? Que je me félicite de nouer des liens de parenté avec des gens dont la condition est si manifestement en dessous de la mienne? Vous vous trompez, monsieur Darcy. Le mode de votre déclaration m'a simplement épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si votre comportement avait été celui d'un homme bien élevé. Vous auriez pu me faire votre demande de toutes les manières possibles que je n'aurais pas eu le moindre désir de l'accepter. Depuis le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappée par votre arrogance, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Je vous connaissais à peine que je sentais que vous étiez le dernier homme au monde que je consentirais à épouser. Je comprends parfaitement vos sentiments. Je n'ai plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens. Quelle formidable Catherine Riwa dans cette bataille d'égo, ceux qui sont l'un et l'autre très amoureux, très épris l'un de oui, l'autre. Oui, alors je disais tout à l'heure que l'amour vous tombe dessus, on ne le choisit pas, et il peut arriver, et c'est ce que l'on voit ici, que le choc ressenti par l'amour soit insupportable. Et donc Elisabeth se raconte qu'elle déteste cet homme parce qu'elle ne peut pas accepter le fait qu'elle l'aime. Et c'est pareil pour lui, puisque lui cède plus vite, puisqu'il sa déclaration consiste à dire « j'ai pas arrêté de me dire qu'il fallait surtout pas vous aimer, mais je peux pas faire autrement ». Et évidemment, elle, qui est dans le même genre de situation, sauf que ce n'est pas elle qui choisit, car elle est une femme, et donc c'est plus difficile. Elle se sent piégée dans son attirance pour cet homme dont elle pense qu'en aucun cas il ne pourrait l'épouser. Et encore une fois, on est chez Jane Austen dans un siècle où une femme de cette société-là, pour elle, il n'y a que le mariage ou rien. Elle a une sœur, une des sœurs Bennet, qui s'appelle Lydia, qui, elle, n'a qu'une idée, c'est de jouir de l'existence, et que ça ne gêne pas du tout l'idée de coucher avec Wickham, qui est un homme qui n'a aucune envie de l'épouser. Mais Lydia est aussi une rebelle d'un autre genre. Pour Elisabeth, qui est rebelle jusqu'à un certain point seulement, il est hors de question d'aimer un homme qui ne l'épousera pas. Mmh. Et elle croit que Darcy ne l'épousera pas. Et quand il vient lui dire qu'il est prêt à l'épouser, il est humiliant. Oui, parce qu'il lui dit, vous attendiez quoi? Est-ce que je sois heureux de traîner avec des gens aussi pauvres que vous? Voilà. Et donc, elle aime sa famille, elle aime son entourage. Donc, c'est insupportable. L'orgueil de cet homme est insupportable. Et son propre orgueil à elle va se dresser contre l'orgueil de Darcy. Alors, évidemment, c'est très bien. Parce que, comme ça, ça veut dire que l'histoire peut continuer. Vous imaginez, si, lorsqu'il fait cette déclaration, elle lui disant « c'est merveilleux que vous soyez passé par-dessus vos préjugés pour m'aimer, évidemment, j'accepte votre demande », le roman s'arrêtait là, il n'y avait pas d'histoire. Donc, c'est pas possible. Je pense que c'est pour le même genre de raison que Mary, la sœur ennuyeuse, ne se précipite pas sur Collins. Elle n'est pas capable de faire ça, Mary. Elle n'est pas capable de faire ça, elle comprend rien à la vie, en fait. Elle est en dehors de la vie, Mary. Elle ne peut pas attraper Collins au passage, elle est incapable de séduire un homme, et c'est l'amie d'Elisabeth qui, elle, ne va pas se gêner et va y aller. Mm-hmm. Donc on voit à chaque fois un type de féminité différente. Mary est tellement prise dans l'idée de bien se conduire que, du coup, sa féminité en est empêchée. Pourtant, on a l'impression qu'ils étaient faits, ils sont aussi pompeux et ennuyeux l'un que l'autre. Mais elle ne peut pas y aller. C'est impossible. Elle n'a pas une once en elle de culot ou de rébellion, Mary. Donc, c'est une espèce de victime, en fait. Parce qu'une femme doit avoir du culot, elle doit y aller. Les hommes, en amour, les hommes doivent monter au front, parce que c'est comme ça, l'amour est une bataille. Mais les femmes aussi, d'une autre manière, il faut attraper le bonhomme et le tirer dans la bonne direction. C'est ce qui est arrivé à Jane Austen quand ses parents l'ont envoyée en pension, elle et sa sœur Jane, où elles avaient pour maîtresse de pension une dame qui était certainement une ancienne actrice et qui leur apprenait à peu près rien et qui leur disait non, mais une femme ne doit pas en savoir trop. Tout ce qu'elle doit savoir, c'est comment traîner un homme jusqu'à l'église. Ce qui veut dire que Jane Austen met beaucoup de sa propre vie dans ses romans. Oui. Alors, moi, en travaillant là-dessus, je me suis dit, mais en fait, la vie de Jane Austen est un roman de Jane Austen. Et elle va, c'est toujours à partir de sa vie. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas, puisque au début, elle dit, alors, c'est quand même merveilleux, parce que cette fille qui n'a rien vu, qui ne connaît rien, qui passe sa vie dans son village, elle va un peu à Bath, mais enfin, elle déteste ça, dit, mais, est lue encore aujourd'hui dans le monde entier. Et elle a dit, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça, parce qu'elle pense à Walter Scott, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Walter Scott, qui est le grand auteur de l'époque et qui va écrire des choses à rebondissement. Ça se passe dans des endroits où elle pense aussi au roman gothique, Anne Radcliffe, par exemple, où ça se passe toujours, par exemple, en Sicile ou dans des endroits où règnent d'abominables catholiques, n'est-ce pas ? Qui, comme chacun sait, sont pervers et corrompus. Et Anne Radcliffe écrit ça alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Et Jane Austen dit non, moi j'ai pas besoin de ça. Trois ou quatre familles dans un village de campagne, ça me suffit. Et effectivement, elle a bâti toute son œuvre à partir des trois ou quatre familles qu'elle connaissait dans son village de campagne. C'est une réussite extraordinaire. C'est du génie. Ça, c'est du génie. Alors pour vous, Catherine Riwa, on va entendre le plongeon de Darcy dans ce bassin, imaginons la chemise mouillée, et ensuite la façon qu'a cette scène en particulier, sans doute de faire changer d'avis la merveilleuse Elisabeth, qui se dit que finalement un torse mouillé c'est bien, mais surtout peut-être que les préjugés l'éloignent d'un amour possible. Ce soir-là, plus encore que le précédent, les pensées d'Elisabeth la ramenèrent à Pemberley. La soirée lui parut longue, mais pas assez pour qu'elle pût déterminer les sentiments qu'elle éprouvait envers un habitant bien précis de cette demeure. Incapable de s'endormir, elle passa 2 heures à tenter d'y voir plus clair. Elle ne le détestait pas, certes non. La haine avait disparu depuis bien longtemps, remplacée par la honte d'avoir eu pour lui une antipathie aussi extrême. Les authentiques qualités de Darcy, d'abord admises à contre-cœur, lui inspiraient un respect qui n'allait plus à l'encontre de ses sentiments et qui prenait désormais un tour plus amical grâce aux témoignages recueillis la veille, si positifs et bien propres à placer son caractère sous un jour si flatteur. Mais surtout, au-dessus du respect et de l'estime, un motif disposait favorablement Elisabeth envers lui. C'était de la gratitude. Oui, de la gratitude. Non seulement parce qu'il l'avait aimée, mais parce qu'il l'aimait encore assez pour lui pardonner toute l'irritabilité et l'aigreur avec lesquelles elle l'avait éconduit et toutes les accusations injustes dont elle avait accompagné ce rejet. Alors que, selon elle, il aurait désormais dû la fuir comme sa pire ennemie, il s'était montré, lors de ses retrouvailles imprévues, très désireux de préserver leur relation, sans manifester indûment son affection, sans que son comportement dévoilât rien d'une circonstance qui ne concernait que d'eux. Il sollicitait maintenant la bonne opinion des amis d'Elisabeth et avait résolu de lui présenter sa sœur. Un tel changement chez un homme d'un tel orgueil suscitait non seulement de l'étonnement, mais de la gratitude, car il fallait l'attribuer à l'amour, à un ardent amour. En tant que tel, il produisait sur elle un effet qu'elle voulait encourager, car il n'avait rien de déplaisant, même s'il ne pouvait être précisément défini. Elle avait pour lui du respect, de l'estime, de la gratitude. Elle éprouvait un réel intérêt pour son bien-être, mais elle ignorait encore à quel point elle souhaitait que ce bien-être dépendît d'elle-même. Causerait-elle leur bonheur à tous deux si, comme son imagination lui disait qu'elle le pouvait encore, elle le poussait à renouveler sa demande en mariage ? Alors Catherine Riwa, quelle est la cause réelle de l'évolution, non pas des sentiments, mais de son rapport à ses propres préjugés dans le cœur d'Elisabeth ? Est-ce parce qu'elle a vu le torse de Darcy ? Est-ce parce qu'elle a vu sa maison et son argent ? Ou est-ce, comme elle le dit dans ce texte, parce qu'elle perçoit en lui de la gratitude ? Alors tout d'abord, le corps de Darcy, elle ne l'a pas vu, car c'est un équivalent assez génial qu'ont trouvé les gens qui ont fait cette série. Parce que, en fait, montrer Elisabeth regarder le château de Darcy, Pemberley, et se dire, oh, c'est vraiment joli, moi, je m'y vois tout à fait. Dans la série, ça marche pas. Donc, ils ont imaginé de le faire arriver. Alors, il arrive un jour plus tôt, puisque, elle pense que la gouvernante a dit non, il n'arrive pas aujourd'hui. Et donc, c'est une surprise. Son arrivée est une surprise. Et il fait très chaud, il est à cheval, et il saute de cheval dans la pièce d'eau, il ressort avec la chemise trempée qui est l'équivalent du sari mouillé dans les films hollywoodiens où c'est l'héroïne qui dévoile ses formes. Ouais. Voilà. Et là, c'est lui. Alors, ça a fait la carrière de Colin Firth en un instant. Hein. Cette scène est érotiquement extrêmement réussie. Parce qu'il n'y a pas d'érotisme dans les romans de Jane Austen ? Il n'y a pas de corps ? Elle ne peut pas montrer ça, il y en a très peu. Il y en a très peu, il y en a quand même, mais il y en a, mais montrer que elle lui voit les pectoraux à travers sa chemise et que tout d'un coup elle se dit je coucherai bien avec ce type-là, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Mais alors qu'en est-il de cette gratitude dont il est question dans le texte ? C'est un alibi ? C'est la mauvaise foi ou c'est vrai ? Non, c'est vrai parce qu'en fait, il va se montrer très aimable. Alors c'est son oncle, c'est l'oncle et la tante d'Elisabeth qui l'ont emmené faire du tourisme, c'est le début de la mode du tourisme, parce que ils sont embêtés de voir qu'elle est un peu déprimée. Elle est un peu déprimée tout simplement d'avoir envoyé promener Darcy, pour qui en fait elle a des sentiments qu'elle ne veut pas regarder en face. Et donc l'oncle et la tante ont l'idée, qui aiment beaucoup leur nièce, qui n'ont pas d'enfants eux-mêmes, se disent, bon, on va l'emmener faire un peu de tourisme, ils veulent d'abord aller dans la région des Grands Lacs, puis finalement ils peuvent pas, et donc ils vont dans ce coin-là, où la tante a vécu sa jeunesse, elle est contente de retrouver les endroits de sa jeunesse, et donc ils vont emmener Elisabeth voir ce château, dont ils ne lui disent pas que c'est le château Darcy. Et là, la gouvernante, parce que ça se fait à l'époque, si on est d'une bonne famille, on donne un pourboire à la gouvernante. Oui, mais la gratitude vient pas de là. Alors, la gratitude, ça vient... Je vous presse parce qu'il nous reste une minute. Oui, c'est parce que il va se montrer extrêmement aimable avec l'oncle et la tante, qui sont des commerçants. Et donc, à l'époque, quelqu'un comme Darcy ne fréquente pas des gens qui sont dans le commerce. Donc, elle va voir à ce moment-là que sa fierté d'aristocrate, il est capable de la déposer à ses pieds et de passer par là-dessus. Et ça, c'est une première raison de cette gratitude chez Elisabeth. Il y en aura une autre, puisqu'il va sauver sa sœur Lydia en payant Wickham pour l'épouser. Mais pour l'instant, c'est juste le fait qu'il se montre aussi simple et amical avec l'oncle et la tante qui sont dans le commerce. Et Elisabeth comprend que, en fait, par amour pour elle, il a abandonné ses préjugés. C'est ça. Et c'est à partir du moment où elle voit qu'il a changé, qu'elle va accepter elle-même de changer. Voilà. Elle va elle-même se débarrasser de ses préjugés parce que lui l'a fait pour elle. Merci beaucoup Catherine Riwa, ça donne très envie de se plonger à nouveau dans ce roman Orgueil et préjugés. On peut se plonger dans votre livre aussi, Jane Austen, un cœur rebelle, une biographie de Jane Austen qu'on trouve aux éditions Écriture. On se quitte toujours avec l'orgueil et les préjugés, Pride and Prejudice, c'est Matt Cohn. Pride and prejudice, pride and prejudice, pride and prejudice, pride and prejudice. I was a 13-year-old in dirty jeans, sat in the back of the class from the first week. Made my own teacher cry cause I hurt feelings, but not for no reason, man. She evil, talking to little kids like the Pope preaches, saying my people the weak and needed a beating, man. Kind of shit is that it's 80 with teen. Motherfuckers need to hear what I mean. Let me speak. Since I was born, I had beef cause of my skin tone. If it wasn't for that, I've always been a bit naughty. The cops only had a look down to find prints in the snow. Follow it all the way to my home and we got thrown in. And that's no joke. I was behind bars when I turned 14 in Oslo. A little lost soul in trouble, trying to talk to the lonely public for a moment. It's so working at home. My fam try to hold the fam down, that's all. Trying to make it better for little man to grow. Trying to make a little so little man is cool. The problem was off the little man in school. When the kids trying to teach this nigga man the rules. Not knowing no race, little man confused. But was too proud to get bitter mad or fused. The feelings numbing him now, the same as worm. And the teachers running him down, no way to turn. And the turn home is better than now. The little man burned on, turned into a fire, little youngin'. Ambitions high, grown is a visionary working. But never coming close to what he's worth. Cause he's not home, he's not true. I know that equal opportunities is not true. It's so plain to see we are. And there's no other way we gotta pay for what we done. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique philosophique quotidienne, le pourquoi du comment. Comment ne pas réduire le malade à sa maladie? Il y a toujours une tentation entre les êtres humains que beaucoup de philosophes de la liberté ont désigné comme gravissime et comme fondamentale. C'est la tentation de réduire les êtres humains à une dimension objective, de les réduire à un aspect d'eux-mêmes en les essentialisant. Par exemple, le racisme consiste à réduire un être humain à une dimension supposée objective de sa vie, la couleur de sa peau ou que sais-je. Et évidemment, il y a autant de réductionnisme et d'essentialisation que de violence politique. Mais il y en a une qui est plus dangereuse peut-être encore que les autres, même si les autres sont extrêmement graves, car elle peut aussi participer d'une dimension éthique. Paradoxalement, c'est une dimension morale qui peut se retourner en risque. Et cette tentation, c'est de réduire un être humain malade à sa maladie, de l'objectiver, de le réduire à l'état objectif qui semble le clouer au sol, parfois à son lit, parfois dans un fauteuil, à son essence réduite, à son corps malade en quelque sorte. Et c'est une tentation éthique parce que, bien entendu, devant un être humain malade, le premier devoir, c'est de le guérir de sa maladie. Or, une maladie, c'est aussi, peut-être d'abord même, un enchaînement causal qui peut produire des conséquences négatives, qui même produit des conséquences négatives, qu'il faut empêcher. On comprend bien alors qu'il faille lutter contre la maladie. Si on annonce à quelqu'un une maladie grave, un cancer ou que sais-je, il faut d'abord traiter cette maladie. Et donc, le fait de traiter la maladie est une exigence morale, une exigence éthique. Mais au nom de cette exigence éthique, est-ce qu'on n'oublie pas, là aussi, comme dans d'autres réductions violentes, l'expérience du sujet individuel, l'expérience du malade lui-même? Le malade ne se réduit jamais à sa maladie. C'est l'un des principes majeurs, peut-être le principe majeur de l'éthique médicale. Il y a toujours plus en chacun de nous que ce qui nous caractérise objectivement et notamment jusque dans les maladies, là où nous sommes cloués par notre corps lui-même, par la pathologie elle-même, à notre identité objective. Non, nous ne sommes jamais seulement une partie malade d'un organisme, nous sommes toujours un sujet psychique, vivant, individuel, libre, parmi d'autres dans une société et qui doivent être reconnus comme tels. Il faut à la fois objectiver la maladie et ne jamais objectiver le malade. Le risque inverse qui serait de considérer le malade de manière purement morale par une sorte de soin réduit aussi à l'amour et à l'accompagnement sans traiter la maladie serait une violence aussi. L'éthique médicale consiste à tenir les deux bouts, le bout du traitement objectif qui parfois doit s'arrêter et le bout du soin subjectif qui lui doit toujours continuer. Ne les opposons pas, ne réduisons jamais un être humain à une partie objective du monde et ce principe de l'éthique médicale doit s'étendre et s'étend en effet à l'ensemble de notre existence. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique Le pourquoi du comment est à retrouver en ligne sur le site de France Culture ou à télécharger, podcasté sur l'application Radio France. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon Delasselle en compagnie de Thaïs Éloi Hammer, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la lecture des textes, c'est Camille Lamache, à la prise de son aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série autour de Jane Austen. 4 romans et beaucoup de mariages. Demain, 3e roman. On sera en compagnie de Frédéric Auger pour lire Northanger Abbey. Il sera question de champagne, de château hanté et de mansplaining. Vous verrez, avant l'heure est tout aussi réel. Un régal donc demain à 10h. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés, ou bien celle de lundi, Raison et Sentiments, c'est facile, hein, c'est possible. Vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien vous la téléchargez, vous la podcastez grâce à l'application Radio France. On aime aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On adore lire vos commentaires et on répond avec plaisir à toutes vos questions. Rendez-vous demain donc à 10h, mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture.